écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Comme vous pouvez le constater, les appareils ne marchent plus et il y a un énorme buzz dans le studio. C'est horrible, j'ai perdu le contrôle de tout. N'oubliez, vous pouvez pas tous vous faire foutre. Comme d'habitude, à son habitude, Nuisance est une émission de merde. Et ça continuera pour toujours jusqu'à ce qu'elle meure. Il me reste à peu près un quart d'heure pour vous dire que vous êtes vraiment que de la merde, comme moi d'ailleurs. Nous sommes que de la merde ensemble. L'amour. L'amour ou la mort? Alors, l'amour ou la mort? Ouais. Ouais, laisse-moi réfléchir. Ouais. Attends, laisse-moi finir mon caca. J'arrive. Ouais, la mort. Et donc à ce moment-là, la mort me dit « Et l'amour là-dedans ?» Et moi je lui dis « Y'a que toi ma chérie. » Mon chéri, après tout, on sait pas si c'est un mec ou une meuf, la mort. À Alors moi je lui dis ouais, il n'y a pas de problème, on fait l'amour, 50 euros. À la mort, je lui dis ça moi. C'est ce qu'il me dit à la mort après. Il me dit ouais, j'ai vu moins cher ailleurs. Et ben, je lui dis vas-y, tu sais, va chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu crois? T'auras pas moi, c'est tout. T'auras quelque chose ou quelqu'un d'autre. Un vagin en plastique. Un anus atrophié. Un semblant d'existence peut-être. Ou rien. En tout cas, avec moi, t'auras quelque chose, c'est sûr. T'auras quelque chose de tellement bien. Tellement toi. Tellement nous, quoi. C'est à ce moment-là précis que la mort m'a dit. Non, je préfère pas finalement. Je te laisse où t'es. Avec tes frères et tes sœurs. Mourir en paix, prout. Et la conversation s'arrêtait là. Bien à mon embarras d'ailleurs. Car je ne savais que dire de moi. Tout ce que j'avais déjà dit. Le plus. Tellement de choses à dire à la mort, je veux dire. On peut lui dire va te faire enculer, sale mort, ou pourri ta vie, mort, ou va chier. Mais on dit pas ces choses-là à la mort, non. Ça, on les dit pas. Et donc le mec qui me dit moi je suis la mort et donc je suis venu pour te prendre. Alors il dit une fois moi, donc je lui réponds que non, il n'y a pas moyen, j'ai pas payé ma redevance télé cette année, il faut absolument que je la paye et la mort elle me lâche. Tu vois. Donc je lui dis ben la mort, lâche-moi, tu sais, parce que j'ai pas payé ma redevance télé, les taxes et les impôts, tout ça, je l'ai fait nourrir. Puis la famille, je m'en fous, par contre, paye tes impôts, c'est une bonne idée. Il faut payer ses impôts pour être heureux dans la vie. Alors je lui dis ouais c'est vrai, t'as raison. Et pour être bon dans sa mort, il faut être heureux devant toute la vie, tu vois. Et donc le mec il me dit, ben ouais, il n'y a pas de problème, tu vois. Et moi je lui dis, ouais, c'est vrai, ouais. Et la mort, alors à ce moment-là, elle se barre, tu vois. Moi je lui dis, cool. Et ce moment, la mort, elle revient, elle me dit, au fait, t'aurais pas inquiété de quelque chose, genre, je sais pas, moi, rapla, CC, ecstasy, MD, mescaline, héroïne, cannabis. Et là, moi, je lui dis, non, t'es fou, toi, t'es ouf, toi, mort, tu connais pas l'État français, tu vois, c'est interdit tout ça. Donc la mort elle me dit merde c'est vrai j'ai oublié, moi je viens de Babylone, c'est Babylone c'était bien, on pouvait tout faire ce qu'on voulait, les prostitutions, illégales ou pas, d'ailleurs ça revient de même, c'était la même chose, c'était même plus existant quand c'était illégal. Et donc alors à ce moment là je dis à la mort, ben tu vois on n'est pas à Babylone, tu vois, on n'est pas, on s'est pas pris pour Babylone, nous on est juste des petits cancres là, tu vois. Alors la mort elle me dit ouais c'est vrai, t'as raison, cancres là c'est vous. C'est vraiment que de la merde, l'humain ça devrait chier, tu sais, ça devrait se foutre en l'air et tout. Moi j'ai dit ouais c'est vrai, t'as raison. Alors je lui dis non, il n'y a pas moyen, tu vois, parce que non, je veux pas, tu vois, et tout, j'ai des trucs à faire, et plein de machins à faire, et finalement je change d'avis, tu vois, je dis bon, d'accord, allez. Tu vois, j'y vais, tu vois, et en ce moment... Alors merde, hein. l'écoute du Canal Sud de 92.21 ou du Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et nous sommes ensemble pour à peu près pas longtemps. Je sens votre désarroi, votre tristesse, votre grande peur de vivre sans moi. N'ayez crainte. Moi également, j'ai peur des fois quand je suis constipé sur mon lit et que je dois sortir de ma chambre pour aller faire caca pendant toute la soirée. Moi aussi, j'ai beaucoup peur. Comme ça. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de faire caca tous les jours. Une à deux fois par jour, aller sur la selle, faire caca ou pipi, ou les deux, à la fois. Et vomir aussi, tous les matins, vomir en buvant son café. Glou, blah, glou, blah, glou, blah. C'est beau la pipe. J'aime surtout le passage où je blah dans le glou, ou le passage où je glue dans le bois. C'est vraiment intéressant. Et alors, c'est bien vous qui vous êtes trompé la dernière fois. Vous vous souvenez? La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez trompé sur moi. Vous aviez dit que j'étais pas beau, que je puais de la queue et que je me lave le cul. On se souvient? Eh ben c'était vrai ou pas? Eh ben non, t'es qu'un menteur, t'as vu, je pue pas de la queue, j'ai pas besoin de me laver le cul maintenant, tu vois. Alors merci beaucoup, mais tous tes mensonges, tu peux les amener au paradis avec toi, parce que toi tu vas aller au paradis, moi j'irai en enfer et va te faire enculer. Parce que toi t'as tout le fric d'abord. T'as gagné. T'as tout gagné. Et alors, qu'est-ce que t'as raconté ce soir? Eh ben je lui ai dit, moi à ce moment-là, je lui ai dit, ben rien mec, j'ai rien à raconter, t'es... Je sais pas pourquoi le mec il pète les plombs. Il me dit, mais arrête de me tousser à la gueule. Mais je lui dis, mais ferme ta gueule, c'est une question de respect, tu sais. Bon, c'est bientôt la fin de Nuisance, quoi. vous en rendre compte, nous absorberons le rayon très fort, comme le sang. Le sang de notre cher président, bleu, car je l'ai éventré ce matin même en y pensant. Et son sang était bien bleu à ce cher président, et à sa chère présidente, comme l'odeur qui fond, son sang a fondu, et devenu bleu, bleu comme le ciel. Quelle beauté! Bonjour à l'écoute de Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. C'est toujours l'émission Nuisance qui bat son vide. Et bientôt, bouge de là.